À la 9e conférence de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung, les personnalités des milieux politiques, sociaux et économiques et les organisations de la jeunesse de divers pays comme la Malaisie, la Mongolie, la Chine, l'Indonésie, le Japon, la Russie, la Grande-Bretagne, l'Espagne, la Tanzanie, les États-Unis et le Pérou ont fait parvenir les corbeilles de fleurs. Ce sont notamment l'Organisation de la jeunesse du Parti des Chinois de Malaisie, l'Union de la jeunesse révolutionnaire de Syrie, le Comité central de l'Union de la jeunesse de toute l'Inde, le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh du Vietnam, le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste léniniste de Fédération de Russie, le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste de Russie, la Fédération de la jeunesse d'Addis Abeba d'Éthiopie, ainsi que les administrateurs généraux de la Compagnie du commerce à responsabilité limitée Changping de Liaoning et de la Compagnie à responsabilité limitée de Longjili Fuchun de Dandong de Chine.